إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، خيرنا الله عز وجل. C'est notre 27e cours autour du livre de Cheikh Najmi Hafidhahullah Ta'ala, Al-Mawlid Al-Adb Zulal, la source délicieuse et abondante. Wa ma'al mulahadati thamina. Et avec maintenant, avec la 8e critique émise vis-à-vis des frères musulmans, et vis-à-vis surtout des leaders de ces frères musulmans. Inna qadat al-ikhwan, yaqulu Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, إن قادة الإخوان والمنظرين في منهجهم يذهبون إلى العقيدة الأشعرية، عقيدة التأويل والكلام على هذه الملاحظة على قسمين، قسم مع حسن البنا وقسم مع أتباعه. شيخ حفظه الله تعالى de nous dire c'est que les leaders des Ikhwan Muflisin et leurs théoriciens dans leur voie ils vont vers العقيدة الأشعرية. Vers le dogme des Ash'arites, qui est une aqida, le fait de donner des fausses, de changer les interprétations des attributs d'Allah Azza wa Jal. Et les paroles du Cheikh Najmi Hafidhahullah Ta'ala à ce point, sur cette critique, il est en deux parties. D'abord, une partie concernera directement Hassan al-Banna, et la deuxième partie concernera les disciples de Hassan al-Banna. فأما حسن البنا فقد ذكر في رسالة العقائد من مجموعة رسائله أن الناس انقسموا في الصفات على أربع فرق، فذكر مذهب المشبهة وقال هؤلاء هم المجسمة والمشبهة وليسوا من الإسلام في شيء وليس لقولهم نصيب من الصحة، ثم ذكر مذهب المعطلة وحكم عليهم بالبطلان أيضا، ثم قال مذهب السلف في آيات الصفات وأحاديثها، وأما السلف رضوان الله عليهم فقالوا نؤمن بهذه الآيات والأحاديث كما وردت ونترك المقصود منها لله تبارك وتعالى، فهم يثبتون اليد والعين والأعين والاستواء والضحك والتعجب إلى آخره، وكل ذلك بمعان لا ندركها ونترك لله تعالى الإحاطة بعلمها. Donc quant à Hassan al-Banna rahimahullah, il a écrit dans sa risala, la risala des croyances, l'aqaïd, dans l'ensemble de ses épîtres. Cette risala commence à partir de la page 292 à la page 324 dans l'ensemble des épîtres de Hassan al-Banna. Il dit que les gens sont divisés au niveau des attributs d'Allah Azza wa Jalla en quatre groupes. Il a cité le groupe de ceux, d'Yal Mushabbiha, qui font ressembler Allah Azza wa Jalla à sa créature. Et il a dit, ces Mushabbiha et ces gens qui donnent à Allah un corps, ils ne sont pas de l'islam. Hein? Et leur parole est non avenante. Ils font pas partie de l'islam, en rien du tout. Après, il a cité la voix d'Yal Mu'attila. Le mu'attila, c'est ceux qui ne donnent pas de sens. Les mots, la sifa, il est là. L'attribut d'Allah, Azza wa Jalla, il est là. Ben, il lui donne aucun sens. Et il a décrété comme quoi ils sont sur une fausse voie. Et il a dit après la voix des plus aïeuls, dans les versets d'Yal Sifat, et dans les hadiths qui concernent Sifat, il a dit quant aux plus aïeuls, radhiyallahu alayhim, ils ont dit, nous croyons en ces versets, nous croyons en ces hadiths, comme ils sont arrivés, et ne laissons ce qui est voulu à Allah, ce qu'il voulait de ses noms et de ses attributs à Allah Azza wa Jal. Donc, il dit, il confirme à Allah les mains, il confirme à Allah l'œil, il confirme à Allah les yeux, il confirme à Allah, subhanahu wa ta'ala, comme quoi il s'est élevé au-dessus de tout, il lui confirme le fait de sourire, le fait de s'étonner, etc. Mais il dit tout ça sans connaître le sens de ces mots. Et il dit, il délègue le sens à Allah, Azza wa Jal, qu'il n'y a qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui connaît le sens de ce qu'est-ce que ça veut dire la main, qu'est-ce que ça veut dire les yeux, etc. يقول الشيخ النجمي حفظه الله تعالى قلت ما ذكره بأنه مذهب السلف ليس هو مذهب السلف بل هو مذهب أهل التفويض الذين رد عليهم السلف الشيخ النجمي de lui répliquer et de lui dire ce qu'il a cité Hassan al-Banna ce n'est pas la voix du puiseur de Allah alayhim mais ça c'est la voix des gens qui délèguent et la voix de ceux qui ont délégué le sens des attributs d'Allah Azza wa Jal les salaf leur ont refuté cette voix, ils l'auront répliqué. ويقول الشيخ حفظه الله تعالى وهذه نقطة مهمة يجب أن تعلمها أخي السلفي وأنت تسير على منهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنتنبأ لهذه الفائدة من الشيخ النجمي حفظه الله تعالى يقول واعلم أن التفويض نوعان تفويض كيفية وتفويض معنى وطريقة السلف هي تفويض الكيفية وإثبات المعنى فهم يثبتون لله ما أثبته الله لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث الصحيحة بمعانيها التي تقتضيها في اللغة ويفوضون علم الكيفية إلى الله عز وجل وعلى ذلك توارد كلامهم فالإمام مالك رحمه الله تعالى لما سأله سائل بقوله الرحمن على العرش استوى فأطرق قليلا وعلته الرحضاء أي العرق ثم رفع رأسه فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب أي بالاستواء والسؤال عنه بدعة أي السؤال عن كيفية الاستواء وأنت رجل سوء أخرجوه فأمر بإخراجه رحمه الله تعالى الشيخ de nous dire chasse que et ça c'est un point à retenir regarde-le c'est un point qui te permet de faire la part des choses hein? Et tu vas comprendre pourquoi Cheikh il attire notre attention sur cette séparation, hein, qu'il faut connaître cette séparation, tu vas le comprendre après, que Salaf Ridwallah Alayhim, il faut que tu saches que délégué, il est de deux sortes chez Salaf Ridwallah Alayhim, délégué, le fait de déléguer, il est de deux sortes, c'est déléguer le commande de la tribu, et déléguer la signification de la tribu. Déléguer le comment de la tribu et déléguer la signification de la tribu. La voix du puiseur d'Allah alayhi, il est tout simplement déléguer le comment de la tribu. Et confirmer la signification de la tribu telle qu'elle est connue dans la langue arabe, telle que nous a été transmise par Allah, par son messager et par les plus prédécesseurs d'Allah alayhi. Donc, Salaf d'Allah alayhi délègue le comment de la tribu. Il confirme la définition de la tribu. Il la confirme à Allah Azza wa Jal, tel que Allah subhanahu wa ta'ala se l'est attribué lui-même dans son livre et comme lui a confirmé le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths authentiques. Avec la signification, avec la définition de ses attributs comme il est dans la langue arabe. Et il délègue la science du comment de la tribu à Allah Azza wa Jal. Le comment de la tribu, ça il le délègue à Allah Azza wa Jal. Ceci est très important. Tu vas comprendre pourquoi après. Et leur parole, il est unanime. Ce qui nous a été rapporté de nos puiseurs d'Allah Alim est énorme. Il va dans le même sens, déléguer le comment de la tribu. Et approuver et mordre les dents sur la tribu et le confirmer tel selon sa signification dans la langue arabe. Comme il est venu dans le livre d'Allah Azza wa Jal, dans le hadith du prophète Al-Sadam, et selon la définition que lui donne la langue arabe. Imam Malik, rahmatullah alayh, quand un homme lui a posé la question, lui a dit, le clément s'est établi sur le trône. Imam Malik a baissé la tête un petit peu. Et la sueur est tombée sur son visage et après il a levé la tête. Il lui a dit, l'élévation, il est connu. C'est-à-dire sa signification en langue arabe, s'élever au-dessus de tout, l'istiwa, il est connu. Le comment, il est ignoré de la raison humaine. Et le fait de croire en l'istiwa est quelque chose d'obligatoire. Et le fait de poser la question sur le comment de l'istiwa, ceci est une innovation et je vois que tu es un homme du mal. Et il a donné l'ordre, ils l'ont sorti de l'assise. Pourquoi ils l'ont sorti de l'assise? Pourquoi il a donné l'ordre de le sortir de l'assise? Pour ne pas jeter ces ambiguïtés dans les gens. Donc, on voit partant de là que Salaf Ridwallah alayhim confirme les attributs. Il confirme leur signification en langue arabe. Et ce qu'il délègue, c'est le comment de l'attribut. Contrairement à ce qu'il dit Hassan al-Banna, il dit, et Salaf, il délègue le sens des attributs. Leur sens, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui le sait. Alors que c'est le contraire. Le sens, Salaf le confirme, et le comment, il le délègue à Allah azza wa jalla, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît le comment de l'attribut. فهذه الملاحظة الثامنة مهمة جدا ومن هنا تعلم أخ الإسلام لماذا هؤلاء الرويبضة المحيطين حولك يقولون دراسة الأسماء والصفات أمر ثانوي لما؟ لكي لا يفضح رؤساؤهم ولكي لا يفضح الانحراف الذي هم عليه. Ce point est essentiel, frère en Allah Azza wa Jal. Partons de là, tu sais que ces rouaïbida qui t'entourent, et de temps en temps tu entends de leur bouche étudier les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal, c'est secondaire. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que leur chef soit divulgué, et la voie dans laquelle était leur chef, et eux-mêmes, au niveau des attributs d'Allah Azza wa Jal, qu'ils soient connus de tout le monde. C'est pour ça qu'ils loignent les jeunes des études des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal. Cette huitième critique est une critique très importante. هذا النقد الثامن تفويض معاني الصفات أمره أمر مهم. فالتفويض لا يكون عند السلف في المعنى وإنما كان في الكيفية. فالسلف يفسرون الاستواء بالعلو ولا يقولون الاستواء مثل الحروف المقطعة في أوائل الصور ألف لام ميم صاد قاف نفوض معناها لله. نعم هذه الحروف المقطعة نفوض معناها ومرادها لله عز وجل ومعناها لا يعلمه إلا الله ولكن الاستواء صفة من صفات الله يثبت السلف رضوان الله عليهم معناها ويفوضون كيفيتها إلى الله سبحانه وتعالى. Comme je te dis, frère en Allah عز وجل, ce point est très important. Le fait de déléguer la signification des attributs, ceci est une énorme erreur. Et la délégation déléguée chez Salaf Ridwallah alayhim ne concernait pas le sens des attributs, mais il concerne le comment des attributs. Salaf Ridwallah alayhim, l'istiwa, il explique avec le fait d'être élevé au-dessus de tout. Et il dit jamais que l'istiwa, on ne sait pas sa signification. On ne sait pas l'istiwa d'Allah, Azza wa Jal, comment il est. Il ne le dit jamais, Ridwanullah alayhim. Ils ne l'ont jamais dit. Ils ne disent pas que l'istiwa, c'est comme les lettres qui sont utilisés au début de certains sourates. Alif, Lam, Mim, Sab, Qaf. Salaf, il disait que pour ces lettres avec lesquelles débutent certains versets, certains sourates, on délègue leur sens à Allah Azza wa Jal. Certes, c'est véridique, c'est avenant, cette parole d'El Salaf, comme quoi il délègue la signification de ces lettres avec lesquelles débutent les sourates. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît la signification de ces lettres avec lesquelles débutent les sourates. Et leur signification, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui la connaît. Mais l'istiwa et toute forme d'attribut d'Allah azza wa jal, salaf confirme à Allah subhanahu wa ta'ala l'attribut avec sa signification. Et il délègue le comment de cet attribut à Allah azza wa jal. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui le connaît. فالسلف بعكس ما قال البنا يثبتون المعنى يثبتون معنى الله ينزل واستوى ولله يد ولله أعين وغيرها من الصفات، ولكن يفوضون كيفية كل صفات الله عز وجل. فالتفويض عند السلف بالتفصيل، يفوضون فقط كيفيات الصفات ويثبتون معاني الصفات عملا بقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، أي لا يشابهه شيء ولا يوازيه شيء وهو السميع العليم، سميع عليم، صفات مثبتة لله سبحانه وتعالى، ولكن كيفيتها تليق بجلال الله سبحانه وتعالى وبعظمته، ولا يعلم كيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى. دوك السلف رضو الله عليهم يسون لكونتخير بس كدي البناء il confirme la définition de l'attribut. Il confirme la signification de Allah descend, il confirme cette descente. Qui veut dire ce que ça veut dire en langue arabe. Rahman stawa, il confirme ce istiwa à Allah Azza wa Jal. Mais il délègue le comment de cet istiwa et de cette descente à Allah Azza wa Jal. Allah a des mains, il le confirme. Mais comment sont les mains d'Allah Azza wa Jal? Ça, il le délègue à Allah Azza wa Jal. Il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui le sait. Allah a des yeux, il confirme que Allah subhanahu wa ta'ala a des yeux. Mais comment ils sont les yeux d'Allah Azza wa Jal? Ça, il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui le sait. Et d'autres, et tous les attributs, on les passe ainsi chez Salaf Ardouallah alim. Mais le comment de ces attributs, il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui le connaît. Salaf délègue le comment des attributs. Et donc, chez Salaf Tafouid, la délégation, il faut la détailler. Hein? Il délègue seulement le comment des attributs. Il confirme les définitions des attributs, hein, en mettant en application la parole d'Allah Azza wa Jal. Rien ne lui ressemble. Il est celui qui entend et celui qui sait. Donc, rien ne lui ressemble, rien pourra lui ressembler. Et il s'est attribué aussi l'attribut de lui et l'attribut de la science. Donc, il entend et il sait, et tous ses attributs sont comme il sait à la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Il n'y a que Allah Azza wa Jal qui connaît le comment des attributs qu'il s'est donné à Allah Azza wa Jal. Et rien ne lui ressemble. Wa Sheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah bayyana limadha at-tafwid bi mafhoum ahli al-awa wa al-bid'ah khabith lan hasilahu tajhil as-salaf as-salih wa ma'nahu an yastatil al-jahmiyyah 'ala as-salaf. ومثال ذلك لو ضم مجلس جهميا ومفوضا وسلفيا وتباحثوا في قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، الجهمي سيقول استوى بمعنى استولى كما تقول الأشاعرة الكلابية، يريد أن ينكر الصفة ويعطلها فحرف معناها، والمفوض سيقول لا أدري أقول الرحمن على العرش استوى وأسكت ولا أدري ولا أدري المراد منها ولا أدري المراد من هذه الصفة والمقصود منها، فهي عندي كألف لام ميم حام ميم قاف صاد. Donc Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dans beaucoup de ses livres a montré, a détaillé comme quoi le fait de déléguer dans le sens disons de l'innovation et ceux qui suivent leur passion, c'est impur. Car il en résulte que Salaf Ardouallah Alim puis Ardouallah Alim sont des ignorants. Et ça veut dire aussi que le Jahmi, il va prendre le dessus sur Salaf. Prends comme exemple, dans une réunion, il y a trois personnes qui se trouvent. Un, il est Jahmi. Un, il est Mufawwad. Il délègue les sens et tout. Et l'autre, il est salafi. Ils font une recherche, un débat, commence entre eux, dans la recherche de la parole d'Allah, Azza wa Jal, Ar-Rahman, ala l'arche istawa. Le clément s'est établi, s'est élevé au-dessus de tout sur son trône. Le Jahmi va dire stawa, ça veut dire staula. Il a mis la main dessus. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé le sens, pour ne pas reconnaître l'attribut. Donc, il s'est sauvé. Hein? Et il a donné un autre sens. Il a faussé le sens. Le Mufawwid, celui qui délègue, il dit, moi je sais pas. Je dis, Ar-Rahman s'est établi sur son trône, et je me tais. Je ne connais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce qu'il voulait avec. الرحمن على العرش استوى سكم ألف لام ميم صاد قاف صاد ياسين toutes ces lettres avec lesquelles commence le Coran. Il n'y a qu'Allah qui sait. Ça, c'est celui qui délègue, qui va agir ainsi. عندئذ سيستطيل عليه الجهم ويغلبه ويقول له أنت جاهل ما تعرف شيئا أما أنا الجهمي فقد وصلت إلى معنى الآية بعلمي وجهدي وفهمي وبحثي وهذا هو البيت الصحيح هذا الدليل بيت صحيح وقد جاءنا بيت من الشعر قد استولى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق فهذا شاهد من كلام العرب على الاستواء معناه أن الاستواء معناه الاستيلاء فانظر كيف الجهمي يستطيل على المفوض لأن المفوض مذهبه قائم على الجهل والغباء. Donc dans ces cas-là, quand le mufawwid va dire, ben moi, je connais pas le sens, hein? Rahman ala al-arsh istawa, je le prends tel quel, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Pour moi, c'est des lettres, comme Hamim, etc., je ne sais pas ce que ça veut dire, la même chose. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui va y arriver? Le Jahmi va prendre le dessus sur le Mufawwid, et il va le vaincre, il va l'écraser. Il va dire, toi tu es un ignorant fini, tu ne sais rien du tout. Moi je suis arrivé à la signification du verset, avec mes efforts, avec ma science, avec ma compréhension, avec mes recherches. Voici un poème dans la langue arabe qui prouve ce que ça veut dire l'istiwa. Et lui, c'est ce problème. Bishr a mis la main sur l'Irak. Qad istawla bishrun ala al-Iraq. Sans épée et sans faire couler le sang. Il lui dit ça, c'est un témoin de la parole des Arabes, comme quoi l'istiwa, ça veut dire l'istila. L'istiwa, ça veut dire mettre la main dessus. Regarde comment, maintenant, le Jahmi a pris le dessus sur le Mufawwid, sur celui qui délègue les sens. Parce que le Mufawwid, celui qui délègue le sens, sa voix est basée sur l'ignorance. Sa voix, elle est basée sur l'ignorance. Amma al-Salafi, fayaqulu la, ruwaydika ya Jahmi, laqad istatalta ala hada al-miskin al-Mufawwid, fakalamuhu laysa sahih, wa la yathbut. فكلامه ليس بصحيح وقولك أن معنى استوى استولى فباطل من القول كذلك واستدلال غير صحيح ولا يثبت في لغة العرب أن معنى استوى هو استولى كنت سلفي بي فديغ السجهمي دوسمون où tu vas calme-toi un petit peu t'as pris le dessus tu as creusé ce pauvre parce que sa parole la parole de ce pauvre est non avenante. Mais ta parole non plus. Car le fait que tu dis que istawa, ça veut dire staoula, que tu expliques l'élévation au-dessus du tout avec le terme mettre la main sur la chose, ceci est non avenant non plus. Et c'est une fausse preuve. Et il n'est pas confirmé dans la langue arabe que staoua, ça veut dire staoula. Fastawa, comme a dit le salaf, ma'naha ala, wartafa'a. تأمل أيها الجهمي إذا قلت استوى بمعنى استولى هذا مفاد أن العرش لم يكن ملكا لله ثم استولى عليه الله أعوذ بالله مما تقول ثم أيها الجهمي إذا كان الله استولى على العرش فما الفرق بين العرش وغيره من الخلائق إذن استولى على جميع الخلائق وأصبحت في قبضته بعد أن لم تكن لا فالعرش ما أصبحت له ميزة إذن. Donc, Salafi lui dit, l'élévation, l'istiwa, comme on dit Salaf, ça veut dire être élevé au-dessus de tout. Mais dites-toi le Jahmi, si tu dis que stawa, ça veut dire mettre la main dessus, tu lui donnes la signification mettre la main dessus, cela veut dire que l'arche, le trône n'appartenait pas à Allah. N'était pas la propriété d'Allah, n'était pas la création d'Allah, et après Allah, il a mis la main dessus. A'udhu billah. et toi le Jahmi, si Allah il a mis la main dessus sur le trône, c'est quoi la différence entre le trône et les autres créatures? Ça veut dire que les autres créatures, c'est pas Allah qui les a créées. Donc il a mis la main dessus sur toutes les autres créatures. Et dans ces cas-là, il n'y a plus de particularité au trône. فَقَوْلُكَ الرَّحْمَنِ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ بِمَعْنَى اسْتَوْلَى إِذَنْ اللَّهُ مُسْتَوْلٍ عَلَى جَمِيعِ الْخَلَاقِ لِمَاذَا يُخَصَّصُ الْعَرْشِ بِالْاِسْتِوَاءِ إِذَا كَانَ مَعْنَاهُ الْاِسْتِلَاءِ ثم يلزم من كلامك أيها الجهم أنه يوجد مع الله إله آخر كان مستولا على العرش والله عز وجل استولى عليه فانظر هذه اللوازم الباطلة إذا لزمها الجهم كفر. Donc le fait que tu dises que Rahman, que tu donnes l'interprétation que Rahman استوى على العرش, ça veut dire il a mis la main dessus. Donc ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala a mis la main dessus sur les autres créatures. Pourquoi tout simplement il y a la particularité pour le trône, pour l'estiwa? Si l'estiwa voulait dire mettre la main dessus, cela veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis la main dessus sur les autres créatures. Et cela implique que toi, le Jahmi, cela, t'as raison, le fait de dire que l'estiwa, ça veut dire l'estila, ça veut dire qu'il y avait avec Allah un autre Allah. Et que, il y a eu une bataille entre eux, et que Allah subhanahu wa ta'ala a pris le dessus, il a mis la main sur le trône. Regarde ce que ça implique cette parole. Et si le Jahmi s'entête à dire que l'istiwa, ça veut dire l'istila, avec les fausseries que ça implique, ben cela, ça le sort de l'islam. وهنا يضطر الجهمي إما أن يكفر وإما أن يتراجع عن قوله. انظر كيف تكون الغلبة للسلف على الجهم بماذا؟ بالعلم. وذاك المسكين المفوض الجاهل ساكت لا يتكلم. فمن هنا كان مذهب المفوضة شر عظيم. والمصيبة أن هؤلاء المفوضة المساكين مع الأسف الشديد ينسبون هذا الجهل الكبير إلى القرون المفضلة. وهل خير القرون كانوا جهالا مثل هؤلاء؟ فعلى قول المفوضة السلف حفظوا هذه الآيات وبلغوها وما فهموا معناها. انظر هذا الظن السيء بالسلف. نسأل الله السلامة والعافية. Donc il est arrivé à ce point du débat, Jahmi, soit il revient sur ses paroles, soit il mécroit en Allah, soit il tombe dans la mécréance. Regarde maintenant comment le salafi a pris le dessus sur le jami. Avec quoi? Avec la science. Et regarde ce pauvre qui délègue, ce pauvre ignorant qui délègue, qui ne parle même pas. C'est pour ça que les hommes de science disent que la voix de ceux qui délèguent les sciences est un énorme mal, est une grande catastrophe. Mais la plus grande et la plus énorme des catastrophes, c'est que ceux qui délèguent les pauvres, avec grand regret, ils attribuent ça, cette grande ignorance, à la meilleure des générations de l'islam. Est-ce que les meilleures générations de l'islam étaient des ignorants comme ceux-là? Parce que si ces Mufawwidha disent que Salaf délègue le sens, ça veut dire que Salaf radhiyallahu anhum ont appris les versets et les hadiths et ils l'ont transmis, ils n'ont pas compris leur signification. Regarde cette mauvaise suspicion sur Salaf radhiyallahu anhum. Alors que Salaf radhiyallahu anhum ont appris ces versets, ces hadiths, ils ont compris leur signification, ils ont délégué le sens des attributs à Allah Azza wa Jal. فَالْمُفَوِّضَةُ جَمَعُ مُصِيبَتَيْنِ الْجَهْلُ الْأَصْلَعُ وَالْكَذِبُ عَلَى السَّلَفِ حِينَ يَنْسِبُونَ هَذَا الْمَذْهَبِ الْبَاطِلِ إِلَيْهِمْ. Donc ceux qui délèguent le sens, ils ont réuni deux grandes catastrophes. L'ignorance chauve et le fait de mentir sur Salaf quand il leur attribue cette voix non avenante. فقول الإمام مالك الاستواء معلوم أي لغة والكيف مجهول أي على العقل البشري والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، فالضمير في عنه يعود إلى الكيف، فالكيف لا يجوز للإنسان أن يسأل عنه، لأن عقل الإنسان محدود ولا يجوز له أن يتعدى حدوده، وإذا تجاوز حده هلك. دونك كونت لا بارول ديال الإمام مالك رحمه الله تعالى، الاستواء إلي كونو، ستادير أو نيفو دو لا لونغ عرب، الاستواء سافو دير إتر إليفي، ليليفاسيون. Et le comment, ou le kif mejhoul, et le comment est ignoré. Ça veut dire, le comment, pour la raison humaine, personne ne le connaît. Et pour la raison humaine, il est impossible. Le comment de l'attribut, de l'istiwa et tous les autres attributs, il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui le connaissent. Et il faut y croire, et le fait de croire en les attributs d'Allah, azzawajal, et en l'istiwa et autres attributs, c'est une obligation. Et le fait de poser la question sur le comment, c'est une innovation. Car le comment, il n'est pas permis à l'être humain de poser la question sur le comment d'un attribut d'Allah Azza wa Jal. Car la raison humaine, il est limitée. Et il n'est pas permis de dépasser ses limites. Et quand la raison humaine dépasse ses limites, il va à sa perte et il périt. وَالْآنْ تَسْمَعْ مِنْهُمَ الْحُرِّيَّةِ مَا هَدِي الْحُرِّيَّةِ يَا أَخَ الْإِسْلَامِ أَنْتَ عَبْدُ لِلَّهِ أنت لو خلقت نفسك لكنت حرا، لكن خلقك الله وأمرك وأنهاك، فأنت عبد لله ولك حدود، وحدودك في العبودية، لا يجوز لك أن تستطيل على الله، فحتى في قوانين البشر الجندي لا يستطيل على القائد، وإذا لقاه حياه، وإذا أمره امتثل، ما يقول أنا حر وأفعل ما أريد. كذلك المواطن مع السلطان والمسؤول الكبير له حدود معينة معه. Tu les entends maintenant, je suis libre. La liberté, c'est quoi cette liberté, frère en Allah Azza wa Jal? Toi, tu es un serviteur d'Allah Azza wa Jal. Si tu t'es créé toi-même, tu serais libre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a créé, il t'a ordonné de faire des choses, il t'a interdit de faire des choses. Tu es un serviteur à Allah, il t'a des limites, et tes limites sont décrétées. Et tes limites sont dans l'adoration, dans ta soumission à Allah, azza wa jal. Il ne t'est pas permis de prendre le dessus sur Allah, azza wa jal, ni de te la ramener devant Allah, azza wa jal. Même dans les lois instaurées par les hommes, regarde, le soldat, il ne peut pas lever la tête devant son commandant, ni devant le pauvre soldat. Il ne peut pas lever la tête devant un sergent. Et quand il le croise, il le salue. Et quand il lui ordonne quelque chose, il la met en application. Il dit pas, je suis libre, je fais ce que je veux. Il en est de même pour le citoyen avec le gouverneur et avec les responsables. Il a des limites avec eux. كذلك أنت أيها العبد ولله المثل الأعلى. Nous aussi, vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, et on ne fait pas des exemples à Allah Azza wa Jal. Nous, notre situation, c'est qu'on est soumis à Allah Azza wa Jal. On est soumis à Allah Azza wa Jal. Et notre liberté, elle est dans notre soumission à Allah Azza wa Jal. Notre liberté est là, quand Allah subhanahu wa ta'ala, les lois d'Allah Azza wa Jal nous arrêtent dans un endroit où on s'y arrête. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, c'est là où il y a notre liberté. Quand Allah subhanahu wa ta'ala leur donne de faire quelque chose ou d'avancer, on avance, on fait. Quand il nous interdit quelque chose, c'est là, notre liberté est là, dans le fait de mettre en application les ordres d'Allah Azza wa Jal et de s'abstenir des interdits d'Allah Azza wa Jal. C'est là notre liberté. C'est avec ça que nous prouvons notre servitude à Allah Azza wa Jal, notre obéissance, notre soumission. Anta ayyuhal adami laka hududun ma'a rabbi Azza wa Jal. Anta abduh, anta khalquh. خلق فتعرض على الله، خلقك فتعرض عليه، وتفترض على الله، وتقول أنا حر، وتتبجح ما رمى رب العالمين، يقول بقولك أنا حر، وأنا أفعل ما أريد، والله ما تستطيع أن تقول هذه الكلمة أمام رئيس أو ملك وهو مخلوق وعبد مثلك، فكيف تقولها لرب العالمين؟ Toi, le descendant d'Adam, tu as des limites avec ton créateur. Tu as des limites avec Allah Azza wa Jal. Tu es son serviteur. Il t'a créé. Il t'a créé, tu t'opposes à lui. Et tu fais des suppositions devant Allah Azza wa Jal. Et tu fais des suppositions à Allah Azza wa Jal. Tu dis, je suis libre. Devant le créateur du monde, je suis libre. Je fais ce que je veux. Wallahi, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Et par Allah, tu ne pourrais pas dire je fais ce que je veux si tu es devant un président ou là devant un roi qui est une créature comme toi et qui est un serviteur d'Allah comme toi. Comment tu le dis, je suis libre à Allah Azza wa Jal? ونعود إلى البنا في هذا الباب فالبنا على مذهب المفوضة لكن البنا سلك مسلك الأشاعرة فالأشاعرة لهم مسلكان يا أخي الإسلام في هذا الباب الأشاعرة في باب التفويض لهم مسلكان مسلك التفويض ومسلك التأويل ولهم قاعدة تقول فكل نص أوهم التشبيه فوضه أو أوله ورم تنزيها فالتأويل معروف عنهم الرضا بمعنى كذا الرحمة بمعنى كذا الاستواء بمعنى كذا ولكن طالب العلم الذي لا يفهم ما عليه الأشاعرة يظن أن الأشعري سلفي فالتفويض الأشعري يقول هذه صفة تليق بالله عز وجل الله أعلم بمراضه منها وإذا نظر الناظر وما عنده خلفيات عن مذهب الأشاعرة يقول ما شاء الله هذا تقرير لمذهب السلف مع أن هذا لم يقرر مذهب السلف لكنه قرر مذهب المفوضة فالبنا على مذهب الأشاعرة الثاني فهو سلك مسلك التفويض ظانا أنه سلك مسلك السلف وهنا التلبيس وهنا التلبيس وهنا يلبس على الكثير. Donc, revenons à Al-Banna, rahimahullah ta'ala. À ce chapitre, au niveau de la délégation, Al-Banna, il a pris l'une des voies de l'Asha'ira. Parce que l'Asha'ira, au niveau des attributs d'Allah, Azza wa Jal, ils ont deux voies. Déléguer et donner d'autres, et donner des significations qui ont changé les significations des termes, des attributs. Ils ont une règle. Ils ont dit chaque texte dans lequel tu sens qu'il va y avoir de la ressemblance avec la créature, tu le délègues, ou là, tu lui donnes une autre signification, pour ne pas attribuer quelque chose qui ne sied pas à Allah, Azza wa Jal. Donc, le fait de donner une autre signification, il est connu d'eux. Rida, l'agrément, ils disent, ils lui donnent des sensations. Rahma, la clémence, ils lui donnent une autre signification que la clémence. C'est un sentiment intérieur, philosophe là-dessus. Parce que pourquoi? Parce que, ils disent, Rahma, c'est quand on a le cœur radouci, etc. Donc c'est un attribut de l'être humain. Alors que s'ils prennent le terme Rahma, comme il s'y a la grandeur d'Allah, Zawajal, le point final, ils s'arrêtent là comme l'ont fait les plusieurs d'Allah. Mais Huma, ils ont peur d'une chose, ils sont tombés dans pire. Hein? Donc, la même chose pour l'istiwa, pour l'élévation. La même chose. Il dit, ça veut dire les styles, et ainsi de suite. Mais le demandeur de science, et celui, et le frère qui ne comprend pas la voie sur laquelle est-il Asha'ira, son Asha'ira, il croit que l'Asha'ari est un salafi. Pour ça qu'il y a beaucoup de tilbis chez certains de nos frères. Donc, la délégation, le fait de déléguer c'est l'Asha'ari, il dit ainsi, cet attribut, c'est comme il s'y a à la grandeur d'Allah. Et Allah sait ce que ça veut dire. Seul Allah sait ce que ça veut dire. Seul Allah, subhanahu wa ta'ala, sait ce qu'il veut avec. Et quand tu regardes dans cette parole, tu lis un livre et cette phrase passe devant toi, si tu n'as pas d'arrière, un bagage, et tu n'as pas de connaissance de la voie de l'Asha'ira, ben tu dis, masha'Allah, l'Asha'ari sont en train de confirmer la voie du plusieurs d'Allah alayhim, dans les attributs. Alors que, il ne confirme pas la voix d'Yel Salaf radouallah alayhim. Mais ils sont en train de confirmer, dans leurs paroles, dans leurs écrits, la voix d'Yel Mufawwida, de ceux qui délèguent les sens. Il benna, il est sur la voix d'Yel Asha'ira, la deuxième voix d'Yel Asha'ira, ceux qui délèguent les sens. Et en prenant cette voix, il croit qu'il a pris la voix du puiseur radouallah alayhim. Et c'est là le point, le hic. Oui, il est clair. Donner une autre signification, c'est clair. Mais déléguer, il faut détailler comme l'ont détaillé les salaf. On délègue le comment. Mais chez l'Asha'ira, tout est ambigu. En réalité, il délègue même le sens. Mais celui qui n'a pas cette connaissance et qu'on ne connaît pas ce détail, ben, il tombe dedans et il dit l'Asha'ira, sont sur la voie d'El Salaf au niveau des attributs d'Allah Azza wa Jal. فمن زعم أن السلف فوضوا المعنى فقد افترى عليهم. شيخ النجمي حفظه الله تعالى de nous dire, celui qui prétend que salaf ont délégué le sens, ben il a monté sur salaf رضي الله عليه. وقد أكد البنا ما زعمه في أن مذهب السلف التفويض، بل وأكد أيضا أن السلف والخلف كل منهما يقطع بأن المراد بألفاظ هذه النصوص في حق الله تبارك وتعالى غير ظواهرها التي وضعت لها هذه الألفاظ في حق المخلوق إلى أن قال. وهذا كلام البنا من مجموعة رسائل البنا. وإذا تقرر هذا فقد اتفق السلف والخلف على أصل التأويل، وانحصر الخلاف بينهما في أن الخلف زادوا تحديد المعنى المراد حيثما ألجأتهم ضرورة التنزيه إلى ذلك حفظا لعقائد العوام من شبهة التشبيه، وهو خلاف لا يستحق ضجة ولا إعناتا. الله أكبر. البنا a confirmé ce qu'il a prétendu que la voie du salaf c'est une voie qui délègue les sens, qui délègue au niveau de la signification des attributs. Et il a confirmé que salaf, il khalaf, et ceux qui leur ont succédé, tous disent ce qu'ils voulaient avec les textes, avec les expressions, au niveau d'Allah Azza wa Jal, ce n'est pas leur apparence, ce n'est pas leur signification. Ce n'est pas leur signification qui est connue par les créatures. L'ayn, tu sais ce que ça veut dire chez les créatures. Là, il te dit, ouah non, ce n'est pas cette apparence qui est connue par les créatures qui est voulue par l'ayn. Et il a dit, toujours dans l'ensemble de ses épîtres, si ceci est confirmé, salaf, il khalaf, ceux qui leur ont succédé sont unanimes pour partir de, sur la base d'yel, donner d'autres significations. Et donc, la divergence s'est arrêtée entre eux. Les khalaf ont rajouté, c'est qu'ils ont limité la signification quand ils y sont obligés pour préserver les croyances et, le dogme de commun du musulman pour ne pas tomber dans les ambiguïtés du fait de faire des ressemblances à Allah. Et ça, il dit ça, c'est un khilaf qui ne mérite pas tant de bruit. وبهذا يقول الشيخ النجمي وبهذا زعم البنا أنه انتهى من مشكلة أشغلت بال المسلمين وأثارت بينهم الخصام 12 قرنا بقطع النظر عن القرن الأول الذي لم تظهر فيه خصومة في إثبات الصفات إلا نادلا، وصور نفسه أنه قد أصلح بينهم في جلسة واحدة تعانقوا بعدها على الوفاق ونبذوا الخلاف. وهذا كلام من لم يتصور أعراق المشكلة ولم يعرف أبعادها وظن الأمر فيها سهلا ويسيرا. أنسي دي الشيخ النجمي حفظه الله تعالى كل بنا بريتوندو تيرميني سو بروبليم كي بريوكيبي les musulmans depuis 12 siècles, en laissant de côté la première génération, parce que la première génération qui sont les compagnons, ils n'ont pas eu du problème au niveau des noms et des attributs de l'Allah. Il n'y a aucun litige entre eux, sauf dans de rares cas. Et il a donné une image comme quoi, en une seule assise, en une seule réunion, il a réuni salaf ou le khalaf. Et qu'ils se sont fait la collade, ils se sont mis d'accord, ils ont mis la divergence derrière l'aube. Et ça, ce sont des paroles de quelqu'un qui ne connaît pas la profondeur du problème, la profondeur de la divergence, et qui croit que la situation est aussi simple que ça. Il n'est pas à l'islam. Mais ça, qu'est-ce que tu veux? Allah al-Musta'an. Ça ne le connaissent que les hommes de science qui ont baigné dans le dogme, dans l'aqida, qui ont pris la voie d'un des compagnons du prophète alayhi salatu salam et la voix de ceux qui les ont suivis à la perfection. Mais quand on est éduqué dans le tasawuf, qu'est-ce que tu veux? والامر وان الامر ليس بسهل ولا يسير فلا يمكن ان احدا من الفرق من الفريقين يتنازل عن عقيدته، فالسلف الذين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم وأتباعهم ممن ساروا على نهجهم واتبعوا طريقهم ممن جاء بعدهم في سائر القرون يؤمنون بأن صفات الباري جل وعلا التي وردت في الكتاب والسنة يجب الإيمان بها وبما تقتضيه في اللغة العربية من معنى إثباتا يليق بجلال الله عز وجل وتقدس من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تحريف ولا تأويل. Et donc, la situation n'est pas aussi simple que ça. Les deux parties ne vont pas laisser leur dogme. Salaf qui étaient les compagnons du prophète alayhi salam, Ridwanullah alayhim, et ceux qui leur ont succédé et qui ont pris leur chemin à travers les siècles de l'islam, croient que les attributs d'Allah Azza wa Jal qui sont annoncés dans le Coran et dans l'authentique de la sunna du prophète alayhi salam, il faut y croire irréfutablement et prendre leur signification qui est donnée dans la langue arabe et confirmer cette signification qui est donnée dans la langue arabe comme il s'y a la grandeur de Allah Azza wa Jal. Et il ne faut pas chercher le comment de ses attributs, ni à leur chercher des ressemblances, ni à dépouiller leur sens, ni à leur donner des significations qui sont le contraire de ce que ça veut dire en langue arabe. Farahimahumullah, kama yaqulu al-Sheikh al-Najmi huna, fa fi al-istiwa يقولون استواء يليق بجلاله وفي اليد والرجل والساق والقدم والوجه والعين يقولون يدان يدا تليق بجلاله منزهة عن المشابهة والمماثلة وهكذا رحمهم الله تعالى. En ce qui concerne l'istiwa, l'élévation, ils disent une élévation qui sied à la grandeur de Allah Azza wa Jal. En ce qui concerne les mains, en ce qui concerne les pieds, en ce qui concerne le tibia, en ce qui concerne le visage, les yeux, des visages, un visage, des yeux et des mains qui sied à la grandeur de Allah Azza wa Jal et qui ne ressemblent en rien à ces créatures. Donc, ils élèvent Allah Azza wa Jal et ils ne font aucune ressemblance avec les créatures d'Allah Azza wa Jal. وتوضيح ذلك أن الاشتراك في الاسم لا يلزم منه الاشتراك في الحقيقة. فإذا قلنا إن الله حي ووصفنا شخصا من الناس بأنه حي فلا يلزم من الاشتراك في اسم الحي الاشتراك في حقيقة الحياة، فحياة الله أزلية، فهو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وأنت يا عبد الله ميت وأتيت من العدم وأنت محدث ومخلوق، والله سبحانه وتعالى لا بداية له ولا نهاية. Donc, et éclaircissement à tout ça, ça veut, ce qui veut dire, Cheikh Hafidhahullah Ta'ala de nous dire, le fait d'avoir le même nom, cela n'implique pas d'être réellement, de se ressembler. Le fait que quelque chose a le même nom, cela ne veut pas dire que ça se ressemble. Il nous donne un exemple. Il dit, on dit Allah, il est vivant. Et on dit de telle personne, il est vivante. Cela n'implique pas que la réalité de la vie de celui-là ressemble à la réalité de la vie de celui-là. Loin de là, il n'y a aucune ressemblance. Allah subhanahu wa ta'ala, sa vie, il est éternel. Il n'a pas commencé. Il est ancien, il est azaliya. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Rien n'est arrivé avant lui. Rien ne restera après Allah, azza wa jal. Alors que l'être humain, lui, il sort du néant. Quelque chose n'existait pas, il a existé. Et il meurt, il se termine. Et il est dit dans Surat al-Furqan, verset 58, fais confiance et appuie-toi sur le vivant qui ne meurt pas et glorifie-le et fais-lui ses louanges, le vivant qui ne meurt pas. Alors que l'être humain, sa vie, il est diminué. C'est une vie qui est courte. Donc, de là, tu vois que le fait que on dit de quelqu'un qu'il est vivant et qu'Allah subhanahu wa ta'ala hay, Cela ne veut pas dire qu'ils se ressemblent. Loin de là. وحياه الله قديمه بلا ابتداء وباقيه بلا انتهاء ثم ان حياه الانسان تتوقف على الاكل والشرب والنوم فهل لزم من الاشتراك في الاسم الاشتراك في الحقيقه الجواب لا وهكذا في كل الصفات دونك الى بيد الله عز وجل ايتونسيان الى با دو ديبو il n'aura pas de fin mais la vie de l'être humain il s'arrête et la vie de l'être humain ne s'accomplit qu'avec la boisson le fait de manger, le fait de dormir, est-ce que maintenant, le fait d'être associé dans le nom, qu'on dit Allah il est vivant et l'être humain il est vivant, cela les fait associer, les fait égaux dans la réalité de la vie, loin de là. Et tu peux dire ça de tous les attributs d'Allah Azza wa Jalla. فَهَلُ السُنَّةِ مُجْمِعُونَ أَنَّ صِفَاتِ اللَّهِ التُّبُوتِيَةِ يَجِبُ عَلَى الْعِبَادِ الإيمان بها واعتقاد ما تقتضيه من معاني في اللغة على الوجه اللائق بجلال الله تعالى. Les gens de la Sunna et ceux qui sont unanimes sur la Sunna sont unanimes que les attributs d'Allah Azza wa Jal qui sont confirmés à Allah Azza wa Jal, il faut que les serviteurs y croient et qu'ils croient en leur signification dans la langue. Comme il sied à la grandeur de Allah Azza wa Jal et qu'il confirme leur signification dans la langue arabe, comme il sied à la grandeur de Allah Azza wa Jal. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة الجوابية المسمات بالحموية ومذهب السلف أنهم يصفون الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل ونعلم أن ما وصف الله به نفسه من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجي بل معناه يعرف من حيث مقصود المتكلم بكلامه لا سيما إذا كان المتكلم بذلك أعلم الخلق بما يقول وأفصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد وهو سبحانه ومع ذلك ليس كمثله شيء لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله فكما نتيقن أن الله له ذات حقيقية وله أفعال حقيقة فكذلك له صفات حقيقة وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, dans le Hamawiyya, il dit la voix du puiseur d'Allah alayhim, c'est qu'il décrive Allah subhanahu wa ta'ala comme il s'est décrit lui-même, et comme l'a décrit le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, sans dépouiller le sens, sans détourner les sens, sans chercher le comment, les attributs d'Allah, et sans lui chercher des exemples dans ses créatures. Et, faut savoir que ce que Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué comme tribut, c'est une réalité dans laquelle il n'y a pas, c'est pas un symbole, c'est pas une métaphore, c'est pas des histoires. La signification est connue. La signification de la main est connue, la signification de toute chose, le qadam est connu, tout est connu. Surtout quand on sait ce que veut dire celui qui parle avec les attributs de Allah, comme et surtout contre celui qui parle. Il est meilleur. Et celui qui a le plus de science parmi ses créatures. Après Allah Azza wa Jal, Muhammad alayhi salam nous a décrit Allah Azza wa Jal. Et il connaît la langue arabe, c'est sa langue, à la perfection. Et il était le plus éloquent au niveau de la langue arabe. Et le plus éloquent dans l'éclaircissement. Et dans le fait de donner des significations. Ou dans le fait d'orienter. Et avec tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne lui ressemble. Ni dans son essence, ni dans ses noms, ni dans ses attributs, ni dans ses actes. Comme on a la certitude que Allah subhanahu wa ta'ala il a une essence réelle, et il a des actes qui sont réels, aussi il a des attributs qui sont réels, mais rien ne lui ressemble. Ni dans son essence, ni dans ses attributs, ni dans ses actes. وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزل عنه حقيقة فإنه سبحانه وتعالى مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، ويمتنع عليه الحدود لامتناع العدم عليه، واستلزام الحدود سابق العدم، والافتقار المحدث إلى محدث، ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى. Et tout ce qui implique dans un attribut une diminution ou que ça n'a pas existé et ça vient d'exister, tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de tout ça. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il est parfait en tout, il est complet en tout, et il n'y a rien au-dessus d'Allah azza wa jal, ni au-dessus de ses attributs. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau, car il a existé, il existera toujours. Il a existé, c'est quelque chose, Allah subhanahu wa ta'ala a existé et une existence sans début, sans fin. Donc, il ne sort pas d'union. Car toute chose nouvelle, al-hudut, implique que ça n'a pas existé, que ça vient d'exister. Et parce que toute chose qui est nouveau a besoin de quelqu'un qui l'a créé. Et l'existence d'Allah, Zawajal, il est obligatoire. ومذهب السلف وسط بين التعطيل والتمثيل فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العلى ويحرف الكلمة عن مواضعه ويلحدون في أسماء الله تعالى وآياته وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. Donc, et la voix du puiseur d'Allah Alim, il est au juste milieu. Entre ceux qui ne reconnaissent pas, qui détournent l'essence, Mu'attila, qui détournent l'essence, et ceux qui font des ressemblances à Allah Azza wa Jal. Donc, Salaf ne cherche pas des exemples dans les attributs d'Allah Azza wa Jal. Il ne cherche pas des exemples, les attributs d'Allah Azza wa Jal, dans les attributs de sa créature. Hein? Et il ne cherche pas des exemples à l'essence d'Allah, Azza wa Jal, dans l'essence de ses créatures. Et il ne renie pas ce que Allah, subhanahu wa ta'ala, les attributs avec lesquels Allah subhanahu wa ta'ala s'est décrit lui-même, et avec lesquels Rasul sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit. Et il ne dépouille pas de leur sens les noms d'Allah, Azza wa Jal, ni ses attributs, ses nobles attributs. Et il ne déforme pas, il ne donne pas d'autres significations aux mots. Il ne détourne pas les mots. Il ne détourne pas les versets d'Allah, Azza wa Jal. Et que ce soit le groupe d'Yal Tatil ou le Temtil, ils ont réuni entre Tatil et Temtil. Le Mu'attila et le Mumattila, ils ont réuni les deux. Amma al-Mu'attiloun, fa'innahum lam yafhamu min asma'illahi wa sifatillah ma huwa al-la'iqu bil-makhlouq. Thumma shara'u fina fi tilka al-mafhumat. Quant à ceux qui dépouillent l'essence, ils disent, on ne sait pas ce que ça veut dire. Voilà, Yu'attiloun, ils dépouillent. Ceux-là, ils ont réuni deux choses. Ils n'ont pas compris les noms et les attributs d'Allah, comme il s'y est. Allah, Azza wa Jal, mais ils l'ont compris comme ses créatures. Et dans ces cas-là, quand ils ont pris que les attributs d'Allah, Azza wa Jal, ont la même signification, ils sont comme les attributs de ces créatures, ils ont commencé à nier leur signification. Et dans ces cas-là, ils ont réuni entre le fait de dépouiller le sens et le fait de faire un exemple, des exemples à Allah Azza wa Jal. Jama'u, faqad jama'u bayna at-ta'til wa at-tamthil. Mattalu awwalan thumma 'attalu akhiran. Wa hadha tashbih wa tamthil minhum lil mafhum min asma'ihi wa sifatihi bil mafhum min asma'i khalqihi wa sifatihim wa ta'til lima yastahiquhu subhanahu wa ta'ala min al-asma'i wa sifat al-la'iqati bihi jalla wa 'ala. Le mu'attil hada, il a réuni entre le ta'til et le temtil. Entre le fait de dépouiller l'essence et le fait de faire des exemples à Allah, Azza wa Jal. D'abord, ils se sont imaginé la ressemblance d'Allah, Azza wa Jal, avec ses créatures. Et après, ils ont dépouillé l'essence. Et ça, c'est faire une ressemblance à Allah, Azza wa Jal. Parce qu'ils ont compris des noms d'Allah, Azza wa Jal, et de ses attributs, hein, ils ont compris sinon ces attributs d'Allah Azza wa Jal à travers les attributs qu'a l'être humain et à travers les noms qu'il a l'être humain. Et donc dans ces cas-là, ils ont dépouillé. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de tout. Allah subhanahu wa ta'ala, au niveau de ses noms, de ses attributs, il a des noms et des attributs comme il sied à sa grandeur. Il n'a aucune ressemblance avec ses créatures. وانظر معي أخا الإسلام فهذا كلام عظيم من شيخ الإسلام ابن تيمية فكذلك لله سبحانه وتعالى صفات حقيقية وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة لأنه عز وجل مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه فهو سبحانه له الكمال المطلق ويمتنع عليه الحدوث الذي هو ضد الأزل والقدم فالمخلوق حادث ولكن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. Regarde cette noble parole et cette parole géante de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, Cheikh l'Islam ne dit que ici Allah subhanahu wa ta'ala il a des attributs réels et rien ne lui ressemble ni dans son essence ni dans ses attributs, ni dans ses actes. Et tout attribut dans lequel on comprend une diminution, ou là comme quoi que c'est quelque chose de nouveau, Allah subhanahu wa ta'ala est dessus de tout ça. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il est parfait en tout. Allah subhanahu wa ta'ala, il est complet en tout. Et c'est impossible, hein, qu'il soit créé. Car le fait d'être créé, c'est le contraire d'Yal Azel et d'Yal l'ancienneté. Et donc, et la créature, il est nouvelle. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le premier. Il n'y a rien avant Allah. Et rien ne restera après Allah, Azza wa Jal. والحادث من صفاته اللازمة أنه ينعدم لكن الله هو الآخر فالحدوث ممتنع عن الله لامتناع العدم عنه ثم قال واستلزام الحدوث سابقه العدم. Et donc, le fait d'être une chose qui est nouvelle, le fait qu'une chose soit nouvelle, cela implique qu'il n'existait pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est le premier et il est le dernier. Donc, le fait d'être nouveau, ça n'existe pas pour Allah Azza wa Jal. Parce que quelque chose de nouveau, cela implique qu'il n'existait pas, qu'il vient d'exister. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واستلزام الحدوث سابقة العدم يعني الحدوث يلزم منه أن يكون مسبوقا بالعدم ثم حدث فالحادث يلزم منه أنه كان معدوما ثم حدث لذا هذا من صفات المخلوق الذي كان عدما فأحدث. يقول ربنا عز وجل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا يعني مر على الإنسان حين من الدهر ما كان شيئا إنا خلقنا الإنسان يعني خلق الله الإنسان بعد أن لم يكن شيئا يذكر. Donc il a dit رحمه الله تعالى شيخ الإسلام et le fait d'être nouveau cela implique qu'on était dans le néant et le fait d'être nouveau cela implique qu'il y a quelque chose qui a devancé, qui est avant ce nouveau qui vient d'apparaître. Et tout ce qui est hadith, cela implique qu'il était dans le néant et qu'il a existé après. Et ça fait partie des attributs de la créature qui existe du néant. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, il est arrivé à un moment sur l'être humain, il n'existait pas, il n'était pas une chose qui était évoquée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de temps qui est passé et l'humanité n'existait pas. Et sur les humains, il y a beaucoup d'humains qui vont exister après alors qu'ils sont dans le néant pour l'instant. Et le verset de nous dire, nous avons créé l'être humain. Cela veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain alors qu'il n'était pas quelque chose, alors qu'il n'existait pas. ثم قال والافتقار المحدث إلى محدث وهو كما قال فالمحدث يفتقر إلى محدث يحدثه ويخلقه وهذا ممتنع في حقه عز وجل ولا يكيف به قل هو الله أحد أحد في أسمائه أحد في صفاته أحد في ربوبيته أحد في ألوهيته ليس كمثله شيء واحد في عبوديته لا إله إلا الله، الله الصمد السيد الغني الذي كمل في سؤدده، فلا يحتاج ولا يفتقر إلى أحد، بل كل شيء مفتقر إليه، وهو الغني عما سواه سبحانه وتعالى. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا هو الله العظيم الذي لا يحتاج إلى محدث ولا هو محدث. وقوله الافتقار المحدث إلى محدث، ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى. وجود الله سبحانه وتعالى واجب بنفسه، ما أوجبه أحد وما أحدثه أحد. Il a dit, rahimahullahu ta'ala, c'est que celui qui vient d'exister, qui est nouveau, il a besoin de quelqu'un qui le fasse exister. Hein? Il a besoin de quelqu'un qui le fasse exister. Et cela, au niveau d'Allah, Azza wa Jal, ça n'existe pas. Et on ne cherche pas le command d'Allah, Azza wa Jal, on ne le connaît pas, le command d'Allah, Azza wa Jal. C'est pour ça qu'il ne faut pas chercher les attributs d'Allah, Azza wa Jal, on ne les saura pas, on ne connaît pas l'essence d'Allah, Azza wa Jal, donc il n'y a pas à chercher les attributs d'Allah, Azza wa Jal. Comment ils sont les attributs de l'Azam? Cela est interdit de poser cette question, ni d'immiscer notre raison là-dedans. Dit, Allah est unique, il est unique dans ses noms, il est unique dans ses attributs, dans sa seigneurie, dans le fait de lui réserver le culte exclusivement. Laïsa kamitlihi shay, rien ne lui ressemble. Unique. Il est le seul digne d'être adoré. Il est Samad, celui qui a la fortune qui ne se puise pas, le maître de tout. Il a besoin de rien. Et tout le monde a besoin de lui. Il n'a pas été engendré. Il n'a pas engendré. Hacha lillah. Il n'a pas besoin d'aide. Ni de vizir. Rien de tout ça. Ça, c'est Allah. Le géant Allah. Qui n'a pas besoin d'être existé. Ou l'aide de quelqu'un qui le fasse exister. C'est pour ça la parole du Cheikh l'Islam qui dit. Et celui qui a existé a besoin de quelqu'un qui existe. Qu'il fasse exister. Et parce que l'existence d'Allah, Azza wa Jal, il est obligatoire en lui-même. Personne ne l'a fait obligatoire. Et personne n'a fait exister Allah, Azza wa Jal. رأيتم هذا التقرير السلفي فهي مصطلحات علم الكلام ولكن شيخ الإسلام وظفها وساقها سياقا سلفيا فهذه الألفاظ ما تكلم بها السلف لكن شيخ الإسلام وظفها واستعملها لنصرة الحق والسنة وقد أفلح رحمه الله وكم من شخص كان متكلما أشعريا معتزليا ثم عاد إلى السنة بعدما قرأ كلام هذا الإمام رحمه الله تعالى. Et donc, vous avez vu dans ce passage que nous a cité Cheikh, tout à l'heure, qu'il a cité de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Et là, je viens de vous lire des commentaires d'Abu Malik al-Juhani. Hein? Et regardez dans ces confirmations d'Allah. Cheikh l'Islam, le Taïmiya, il a utilisé des termes du lexique de la dissertation. Et des gens qui philosophent, des gens dont la base, dont leur parole est basée sur la science de la parole. Mais Cheikh l'Islam a utilisé leurs termes, muhdat, hadith, et tous les termes qu'ils utilisent, et il les a utiliser une utilisation salafi. Et il les a utilisés pour faire triompher la vérité, faire triompher la sunna. Et il a réussi, Allah subhanahu wa ta'ala, le couvre de sa sainte miséricorde. Combien de personnes qui étaient plongées dans la science de la parole, qui étaient ash'arit ou mu'tazilit, et quand ils sont tombés sur les paroles du Cheikh l'Islam, le Taymiyyah rahmatullah alayh, ils sont revenus à la sunna, après avoir lu ces nobles paroles de cet imam, qui est l'un des grands imams de la voix de nos puissants, d'Allah alim. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de ce sainte miséricorde. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous comprenions réellement, les paroles et les règles qu'avait instauré ce grand imam qui est Cheikh l'Islam, le Taymiyyah, rahmatullah alayh. Fafi hadi al-faqrati yu'akkidu Cheikh Najm al-Aqid al-Salafiyya min kalam ibn Taymiyyah wa yartufiya ala al-banna. Et donc, dans ce paragraphe que nous avons lu de Cheikh Najmi Hafidahullah Ta'ala, avec le commentaire de Cheikh Abu Malik al-Juhani, Cheikh Najmi nous confirme la aqida, le dogme d'Yel Salaf, mais directement de la parole de Ibn Taymiyyah Rahimahullah Ta'ala. Et il réplique, il refute la voie sur laquelle, et la voie